my best. Get money fly private jet. J'ai toi rendre les darons fiers. Sorti la mifa de la galère. I wanna do my best. Get money fly private jet. J'ai toi rendre les darons fiers. Sorti la mifa de la galère. C'est monde est compliqué, rempli de sans pitié. C'est les mêmes qui me critiquent, qui veulent que j'ai le temps de ma main. Seigneur, donne-moi la force, c'est tellement lourd de pardonner. Toujours tenté de leur faire du sale. Quand tout était sombre, moi j'ai vu personne. Y'avait que la mifa et mes putains de vrais potes. J'ai pas baissé les bras, déteste qu'on se moque de moi. Les games m'a changé, ils veulent toucher à ma mallette. Non, I wanna do my best. Get money for private jet. J'ai dois rendre les darons fiers. Sorti la mifa de la galère. I wanna do my best. Get money for private jet. J'ai dois rendre les darons fiers. Sorti la mifa de la galère. Sorti de la galère. Trop riche pour avoir un salaire. Les bandits hollandais. C'est Dems, Dems, pas de Molière, Baudelaire. Trop noir pour le système solaire. Des Mohamed, des Ali. Souvent accusé à tort, absence des preuves, des appels rejetés. J'connais la vie, la mort, les sens, ce deuil, richesse et pauvreté. J'connais la fin du monde, plus d'un milliard d'Africains. Point levé, le père, le fils, le clock chargé. Ah bah oui, sur ma vie, la violence, je n'ai pas choisi. Mais ça c'est beau bêtis, mais pourtant on a rien à changer. I wanna do my best. Get money for private jet. Ah oui, je dois rendre les darons fiers. Sorti la mifa de la galère. I wanna do my best. Get money for private jet. Je dois rendre les darons fiers. Sorti la mifa de la galère.